بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له La louange est à Allah, nous le louons, nous lui demandons aide et pardon et on cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de nos propres âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأن محمدا عبده ورسوله et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre que Allah عز وجل et que محمد عليه الصلاة والسلام est son serviteur et son messager يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Oh vous qui avez cru craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de lui ou a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة Et certes, le meilleur des récits est le livre d'Allah et la meilleure des voix est la voix du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام et la pire des affaires sont les nouveautés et toute innovation est un égarement. يقول الله جل في علا في كتابه الكريم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Et Allah dit selon l'essence de la traduction approximative ألف لام را voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que par la permission de ton Seigneur tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant du digne de louange. قال الإمام ابن كثير عند هذه الآية الإمام ابن كثير il a dit au sujet de ce verset كتاب أنزلناه إليك au sujet de la parole qui dit un livre que nous avons fait descendre vers toi أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم c'est-à-dire c'est un livre que nous avons fait descendre vers toi au محمد et ce n'est autre que le Coran العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء qui est le livre le plus honorable qu'a fait descendre Allah سبحانه وتعالى des cieux على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم livre que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des cieux sur la plus honorable ou le plus honorable des messagers qu'Allah a suscité pour les habitants de la terre qu'ils soient arabes ou non arabes les tukhrijan nas min adh-dhulumat ila an-nur et au sujet de la parole qui dit pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière et innama ba'athnaka ya muhammad bi hadha al-kitab litukhrijan nas mimma hum fihi min ad-dhalal wal-ghay ila al-huda war-rushd et c'est-à-dire certes nous ne t'avons suscité ô muhammad avec ce livre que pour que tu fasses sortir les gens de ce dans quoi ils se trouvent comme égarement et déviation et tu les guides vers la guidée et la droiture. Wa yaqulu Allahu jalla fi'ala qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Et Allah dit selon le sens de la traduction approximative une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah par ceci c'est-à-dire par le Coran. Allah guide au chemin du salut celui qui cherche son agrément et il fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il guide vers un droit chemin. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية et l'éminent savant السعدي a dit dans son tafsir au sujet de ce verset قد جاءكم من الله نور وهو القرآن يستضأ به في ظلمات الجهالة وعميات الضلالة donc il dit que il s'agit au sujet de la parole qui dit que certes vous est venue une lumière venant d'Allah il dit qu'il s'agit du Coran par lequel on s'éclaire dans les ténèbres de l'ignorance et l'aveuglissement de l'égarement. Et ensuite il dit, يعني l'imam Sa'di, كِتَابٌ مُبِينٌ لِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ الْخَلْقُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمِنَ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَحْكَامِهِ الْجُزْئِيَّةِ Donc c'est un livre explicite contenant tout ce dont a besoin de connaître l'être humain concernant sa religion et sa vie d'ici-bas. C'est un livre comprenant la connaissance d'Allah, ses noms, ses attributs et ses actions et les règles de la législation. ثم ذكر من الذي يهتدى بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك. Et ensuite l'imam Sa'di dit que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué juste après quelle est la cause qui provoque la guidée du Coran et quelle est la cause que qu'accomplit le serviteur pour acquérir cette guidée. فقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Donc Allah subhanahu wa ta'ala juste après il dit Allah guide par ceci, c'est-à-dire le Coran, celui qui recherche son agrément et le guide vers les chemins du salut. قال الإمام سعدي أي يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide celui qui s'efforce et qui veille à atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et dont l'intention est bonne. سبل السلام et là, au sujet de la parole سبل السلام les chantiers يعني du salut أي التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام. يعني ce sont les chantiers par lesquels celui qui les emprunte s'éloigne du châtiment et atteint la demeure de la paix. Et ces chemins-là qui mènent vers le paradis sont وَهُوَ الْعِلْمِ بِالْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا. Et ce ne sont autres que le fait de connaître la vérité et d'œuvrer avec d'une manière globale ou détaillée. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْجَهْلِ وَالْغَفْلَةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ. Et il les fait ainsi sortir des ténèbres de la mécréance, de l'innovation, des péchés, de l'ignorance et de l'insouciance vers la lumière de la foi, de la sunna, de l'obéissance, de la science et de l'évocation d'Allah. وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ويهديهم إلى صراط مستقيم. Et tout ceci fait partie de la guidée d'Allah, résultant de la volonté d'Allah. Donc celui à qui il veut accorder la guidée lui est accordée. Et celui pour qui il ne la veut pas, la guidée ne lui est pas accordée. وقال رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة. L'imam Sa'di l'a dit dans un autre livre qui s'appelle القواعد والأصول الجامعة. Les bases qui sont les bases dans le fiqh. Il a dit القاعدة الأولى, la première base, أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. Il dit que la première base c'est que le législateur, c'est-à-dire Allah, n'ordonne pas une chose si ce n'est qu'il s'y trouve, c'est-à-dire dans cette chose, un intérêt dépourvu de tout méfait, ou bien que l'intérêt soit largement supérieur au méfait s'y trouvant. Et il n'interdit pas une chose sans qu'il s'y trouve du mal dépourvu de tout intérêt, ou que le mal s'y trouvant est largement supérieur aux intérêts. وقال هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ensuite il dit l'imam Sa'di, ceci est une règle qui englobe la totalité de la législation, et il n'y a pas de différence entre ce qui concerne les bases de la religion ou les branches, que cela soit en rapport avec les droits d'Allah ou les droits de ses serviteurs. Allah dit, selon la traduction approximative, certes Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la transgression. Il vous exhorte afin que vous vous rappelez. فَلَمْ يَبْقَى عَدْلٌ وَلَا إِحْسَانٌ وَلَا سِلَةٌ إِلَّا أَمَرَ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَلَا فَحْشَاءُ وَمُنْكَرٌ مُتَعَلِّقٌ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَلَا بَغْيٌ عَلَى الْخَلْقِ فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ إِلَّا نَهَى عَنْهُ. Donc, il ne reste pas une justice ou une équité ou une bienfaisance ou un lien de parenté sans qu'il n'ait été ordonné dans ce noble verset. Et il n'y a pas de turpitude ou de choses blâmables ayant comme lien les droits d'Allah, ou il n'y a pas de transgression dans les droits des créatures, dans leur sang, ainsi que dans leur personne, ainsi que dans leur bien et dans leur honneur, sans qu'il n'ait été interdit. وَوَعَظَ عِبَادَهُ أَنْ يَتَذَكَّرُوا هَذِهِ الْأَوَامِرِ وَحُسْنَهَا وَنَفْعَهَا فَيَمْتَثِلُوهَا. Et il a évoqué, ou il a exhorté ses serviteurs à se rappeler de ses commandements et de ce qu'ils contiennent comme bienfaisance et intérêt, afin qu'ils les mettent en pratique, et qu'ils se rappellent de ce que contiennent ces interdits comme mal et nuisance, afin qu'ils s'en éloignent. وَقَالَ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Et Allah a dit, selon le sens approximatif du verset, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. قال السعدي رحمه الله أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم طرق الموصولة إلى رضوانه أعظم التيسير ويسهلها أبلغ التسهيل ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. الإمام السعدي l'a dit au sujet de ce verset qu'Allah veut vous faciliter les chemins qui mènent à son agrément de la plus simple des manières, et c'est pourquoi l'ensemble de ce qu'a ordonné Allah à ses serviteurs est à la base d'une grande simplicité. وقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين الدين من حرج. C'est lui qui vous a choisi et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. فهذه الأدلة وغيرها دالة على أن ما جاء به القرآن والسنة من التشريع والأحكام الدينية أو الدنيوية خير محض أو راجح. Donc ces preuves ainsi que d'autres indiquent que ce avec quoi est venu le Coran et la sunna, comme législation et règles religieuses, ou même en ce qui concerne la vie d'ici-bas, est un bien dépourvu de mal ou prédominant. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens approximatif du verset: et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Et il dit aussi, il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule vous suffit. فشرع الله بهذه الآية تعدد الزوجات لمن لا يخشى على نفسه الجو وعدم العد بينهن. بل الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الآية أن التعدد هو الأصل والإفراد حالة استثنائية. الله سبحانه وتعالى a donc légiféré de par ce verset la polygamie pour celui qui ne craint pas d'être injuste et de manquer d'équité entre ses épouses. Mais bien plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala a placé la polygamie comme étant la base, c'est-à-dire de la vie conjugale, et a placé la monogamie comme étant une exception. فحكم التعدد الزوجات اختلف فيه العلماء, يعني ou plutôt le jugement de la polygamie fut l'objet de contradictions parmi les savants. والصحيح أنه مستحب وأنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. Et l'avis le plus juste, c'est qu'il est recommandé, c'est que c'est une chose recommandée, et que cela fait partie de la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام. وهو قول بعض الحنابلة وبوب البخاري باب كثرة النساء وأخرج عن سعيد ابن جبير قوله حيث قال قال لابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. Donc comme on vient de dire, l'avis le plus juste sur la question est que la polygamie est recommandée, et cela est l'avis de certains suiveurs du madhab al-Hanabila. Et l'imam al-Bukhari a mis en guise de chapitre dans son sahih chapitre le fait d'avoir plusieurs femmes. Puis il a ajouté en dessous de ce chapitre une parole d'Abdallah ibn Abbas qui dit à son élève Saïd ibn Jubair, marie-toi, car le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes. قال العلامة محمد ابن صالح ابن العثيمين في شرحه على صحيح البخاري هذا الباب كما رأيتم فيه بيان أن كثرة النساء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc l'éminent savant Al-Uthaymeen rahimahullah a dit dans son explication du Sahih Al-Bukhari, ce chapitre, comme vous le constatez, indique que le fait d'avoir plusieurs femmes fait partie de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Wa qala fa hadiyu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ikthar min an-nisa walakin هل هذا خاص به لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون له في كل قبيلة من قريش مصاهرة أو أن هذا عام له وللأمة. Et donc ensuite après Cheikh Al-Uthaymeen il dit donc la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était de multiplier les épouses, mais est-ce que cela c'est une chose spécifique à lui car il aimait qu'il se trouve dans chaque tribu de Quraysh, ou il aimait que se lie une alliance dans chaque tribu de Quraysh, ou ceci est يعني, général pour lui et pour l'ensemble de la communauté. قال إذا نظرنا نصوص الكتاب والسنة رأينا أن الأفضل تعدد الزوجات وذلك لأن هذا يستلزم كثرة النسل وكثرة النسل مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بأن يتزوج الإنسان الودود الولود. Et ensuite il dit Cheikh Al-Uthaymeen, mais en analysant le texte du Coran et de la Sunna, on constate que la polygamie est meilleure, et ceci car elle est la cause d'un surcroît de naissance, et ceci est une chose auquel a appelé le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il conseilla de marier la femme féconde. إلى أن قال إذن فالأصل أن التعدد أفضل على القول الراجح إلا أن خيف ما يفوت ما هو أهم فإنه يكون الاقتصار على واحدة أفضل. Jusqu'à ce que le Cheikh dise, c'est-à-dire Cheikh Al-Uthaymeen, donc la base est que la polygamie est meilleure, et ce selon l'avis le plus juste, sauf si l'on craint le manquement de par cela de ce qui est plus important. alors la monogamie devient meilleure. وقال بعض العلماء الاقتصار على واحدة أفضل وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد قال لأن تعدد الزوجات في الغالب يحصل به غيرة وتعب وتفرق الأولاد حتى إن الإنسان لا ينظر إلى أخيه من أبيه وكأنه أجنبي منه بل ربما يكرهه لقيام الغيرة بين أمه وبين الزوجة الأخرى. Et certains savants, c'est-à-dire Cheikh Al-Uthaymeen, il continue et il dit que certains savants ont dit que le fait de se limiter à une est meilleur. Et c'est l'avis le plus connu du madhhab de l'imam Ahmad. Ceci parce que la polygamie le plus souvent suscite de la jalousie, de la fatigue, ainsi qu'une séparation des enfants, jusqu'à ce que la personne regarde son frère issu de son père comme s'il était étranger à lui. Ou plus encore, il se peut qu'il le déteste à cause de la jalousie présente entre sa mère et l'autre épouse. قال العثيمين لكن إذا تأملنا النصوص وقارنا بينها وجدنا أن الراجح التعدد إلا لسبب. Et ensuite il dit, Cheikh العثيمين, mais cependant, si on médite les textes et on les rapproche les uns aux autres, on constate que la polygamie est meilleure, sauf dans certains cas. وابن عباس رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء هل هو يعني شخصا معينا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أكثر الأمة نساء فكأنه يقول خير هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثرت نساؤه فاقتدي به. Et donc Abdullah ibn Mas'ud, et ça c'est toujours les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, qui dit qu'Abdullah ibn Abbas a dit, radiallahu anhuma, le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes. Ensuite Cheikh Al-Uthaymeen dit, est-ce que le but visé de cette parole est une personne en particulier, entre autres le prophète, alayhi salatu wassalam, car c'est lui qui a eu le plus d'épouses de toute la communauté. Et donc le sens aurait, yani, c'est comme s'il voudrait dire, yani, comme c'est lui le meilleur, suis-le. Ou يقول خير هذه الأمة من الناس غير الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرها نساء يعني ومن كان أكثر نساء فهو أخير فصاحب الأربعة خير من صاحب الثلاث وصاحب الثلاث خير من صاحب الثنتين وصاحب الثنتين خير من صاحب الواحدة ومن عنده واحدة خير مما شيء عنده. Ou bien le but visé de cette parole, c'est que celui en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a le plus de femmes est tout simplement meilleur. Donc celui qui possède 4 est meilleur que celui qui en possède 3. Et celui qui en possède 3 est meilleur que celui qui en possède 2. Et celui qui en possède 2 est meilleur que celui qui en possède 1. Et celui qui en possède 1 est meilleur que celui qui ne possède rien du tout. قال هناك احتمالان لكن الظاهر أن الثاني أقرب حيث أمر سعيد بن جبير بالزواج وقال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء وهذا في كل شيء حتى في أمور الدين إذا وفق الله الإنسان بزوجات متآلفة هذا من تمام النعمة عليه. طيب ensuite le cheikh il dit, c'est-à-dire Cheikh Al-Uthaymeen, donc cela, la parole d'Ibn Abbas, elle comprend deux sous-entendus. Mais cependant, le plus proche de la vérité est le deuxième, car il ordonna, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, il ordonna Saïd ibn Jubair de se marier, car certes le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes. Et ceci, Cheikh Al-Uthaymeen rajoute, et ceci dans toutes choses, même dans les affaires religieuses. Et si Allah accorde à l'homme une bonne entente entre ses épouses, ceci est l'apogée du bienfait. وَتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ كَانَ أَمْرًا مَشْرُوعًا فِي الشَّرَائِعِ المتقدمة منذ أقدم العصور. Et la polygamie est une chose légiférée même dans les législations précédentes depuis la plus lointaine des époques. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد كانت له زوجتان وهما هاجر وسارة وقيل أكثر والله أعلم. Et voici Ibrahim, le père des prophètes عليه الصلاة والسلام, qui possédait deux épouses, هاجر وسارة. Et il a été dit qu'il en avait plus, والله أعلم. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. Et voici Suleyman alayhi salam, sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, qu'il aurait dit, certes, je vais tourner autour de 90 de mes épouses, chacune d'entre elles enfantera un garçon qui combattra dans le sentier d'Allah. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِأَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةِ وَهَذَا مِنْ خَصَائِسِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plus de 4 épouse. Et ceci fait partie des choses qui lui sont spécifiques. Donc il s'est marié avec Khadija, hein, avant la révélation. Et il ne s'est pas marié sur elle jusqu'à ce qu'elle ait décédé. Et donc il s'est marié avec Saouda bint Zam'a, ainsi qu'Aïcha bint Abi Bakr al-Siddiq, et Hafsa bint Omar, la fille de Omar, wa Maymouna bint al-Harith, wa Umma Salama, Hind bint Abi Umayya, wa Juwayriya bint al-Harith, al-Mustaliqiyya, wa Umma Habiba, Ramla bint Abi Sufyan, wa Safiyya bint Huyay ibn Akhtab, Sayyidu Bani Nadir, wa Zainab bint Jahsh min Bani Asad ibn Khuzaymah, wa kadhalika tazawwaja بزينب بنت خزيمة ابن الحارث القرشية. Le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est marié avec toutes ses épouses et il est mort en possédant 9 épouses. وغالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرملة. وهذا يدل على فضيلة الزواج بهذا الصنف وإن كان الزواج بالبكر أفضل عند عامة العلماء. Et donc certes le prophète صلى الله عليه وسلم la plupart de ses épouses sont des veuves ou des femmes qui ont déjà été mariées auparavant. Et ceci indique le bienfait de se marier avec cette catégorie de femmes, même si le mariage avec la femme vierge est meilleur chez l'ensemble des savants. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, comme il a été rapporté dans un hadith dans Muslim d'après Abi Huraira, a dit que celui qui se précipite à combler les besoins d'une femme seule ou d'un pauvre est considéré comme un combattant dans le sentier d'Allah. Et l'un des rapporteurs il dit, je pense qu'il a dit aussi, il est à l'exemple, c'est-à-dire celui qui comble les besoins d'une femme seule et du pauvre, il est à l'exemple de celui qui prie sans s'arrêter et de celui qui jeûne sans s'interrompre. طيب قال النووي رحمه الله المراد بالساعي الكاسب الكاسب لهما العامل لمؤنتهما. النووي il a dit que le but visé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam as-sa'i, c'est-à-dire celui qui leur verse une pension. والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا وقيل هي التي فارقت زوجها. Et la Armala, c'est la femme qui n'a pas de mari, qu'elle a été mariée ou non. Et il a été dit qu'il s'agit de celle qui s'est séparée de son mari. وقال ابن قتيبة سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد. Ibn Qutaybah, il a dit qu'elle a été appelée Armala en vue de ce qui la touche comme délaissement et mise à l'écart, n'étant autre que la pauvreté et la perte de provision. وتزوج أبو بكر الصديق عدة نساء. Et Abu Bakr, il s'est marié avec plusieurs femmes. Parmi elles, Ummu Bakr, qu'il a divorcé dans la période pré-islamique. Il s'est marié aussi avec Qutayla, qui est la mère de Asma. Et Ummu Rumman, qui est la mère de Aisha et de Abdurrahman. Et il s'est marié aussi avec Asma bint Umays. وَتَزَوَّجَ Umar عِدَّةْ nisa. Et Umar aussi, il s'est marié avec beaucoup de femmes. فَبِمَجْمُعْ نِسَائِهِ أَلَّاتِ تَزَوَّجَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ مِمَّنْ طَلَّقَهُنَّ أو مات عنهن ثمانية. Donc l'ensemble de toutes les femmes que Omar il a mariées revient à 8. وكذلك تزوج عثمان بن عفان بعدة نساء. Et aussi عثمان بن عفان il s'est marié avec beaucoup de femmes. وقتل رضي الله عنه وعنده أربع. Et il a été tué عثمان alors qu'il possédait 4 épouses. نائلة ورملة وأم البنين وفاخة. Et enfin, pour terminer l'évocation des califs bien guidés, تزوج علي بن أبي طالب أيضا بعدة نساء. Et علي بن أبي طالب aussi s'est marié avec beaucoup de femmes. فأول زوجة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et la première des épouses qu'il a eue, c'est-à-dire علي بن أبي طالب, n'est autre que Fatima, la fille du prophète عليه الصلاة والسلام. وبنى بها بعد وقعة بدر فولدت له الحسن والحسين ويقال محسنا ومات وهو صغير. Et donc elle lui aurait donné comme enfant الحسن والحسين. Et il aurait été dit qu'elle lui aurait donné aussi un enfant qui est mort en bas âge s'appelant محسن. وولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم. Et aussi elle lui a donné comme parmi les filles زينب la plus grande ainsi que أم كلثوم, celle que Omar a mariée par la suite. ولم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. علي s'est pas marié sur Fatima après le décès du prophète صلى الله عليه وسلم de 6 mois. فلما ماتت تزوج بعدها بزوجة كثيرة منهن من توفيت في حياته ومنهن من طلقها وقتل عن أربع نسوة. Et donc Ali après le décès de son épouse, il s'est marié avec Il s'est marié avec plusieurs femmes. Parmi celles-ci, il y en a qui l'a divorcé. Ou parmi celles-ci, il y en a qui sont décédées durant son vivant. Et Ali, il a été tué alors qu'il possédait 4 femmes. Donc Ali fait partie de ceux aussi, parmi les califes bien guidés, qui ont pratiqué la polygamie. فَهَاُولَاءِ خِيرَةُ النَّاسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Et donc ces gens qu'on vient de citer, c'est-à-dire le prophète Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali, sont les meilleurs des personnes, d'une manière globale. لا أفضل هدي من هديهم مطلقا وكيف لا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضلهم ومعه صديق هذه الأمة وثلاثة شهداء وهم الخلفاء الراشدون. Et donc ces personnes qui ont été citées sont les meilleurs des gens et ceux de tout point de vue. Il n'y a pas de guidé meilleur que la leur. Et comment serait-ce ainsi alors que parmi eux se trouve le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui est le dernier des prophètes et le meilleur d'entre eux. Et avec lui, le véridique de cette communauté est 3 martyrs qui font partie des califes bien guidés. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a certes dit accrochez-vous à ma sunna et à celle qui la confirme parmi la sunna des califes bien guidés. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء والإكثار منها وكذلك العرب وغالب الصالحين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Et le prophète alayhi salam, ainsi que les Arabes dans leur généralité, et ainsi que la plupart des hommes pieux de l'époque du prophète salam, à nos jours, n'ont de cesse d'aimer la femme et le fait d'en avoir plusieurs. قال أنس لم يكن شيئا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل أخرجه النسائي. Et Anas, il a rapporté une parole du prophète salam qui dit qu'il n'y avait pas une chose plus aimée auprès du prophète salam après les femmes que les chevaux. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرجه النسائي وهو حديث حسن. Et la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit on m'a fait aimer de votre bas monde le parfum, les femmes, et on a fait de la prière le plaisir de mes yeux. وقد تقدم كذلك قول ابن العباس لابن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. Et comme on l'a vu aussi, la parole d'Ibn Abbas pour Ibn Jubair, lorsqu'il lui dit « Marie-toi, car le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes. » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية. Et الحافظ ابن حجر dit dans Fath al-Bari, comme quoi les Arabes, ils faisaient l'éloge de celui qui se marie beaucoup, car cela indique la virilité de cette personne. وهناك تنبيه مهم وهو أن محبة أهل الإسلام للمرأة في غاية من الإكرام والكرامة فهي تعتبر عندهم كشيء مقدس خط أحمر كما يقال. Et là, il y a un point qu'il faut dire. L'amour des gens de l'islam pour la femme atteint le sommet de l'honorabilité et de la dignité. La femme chez eux est considérée comme étant sacrée. C'est un trait rouge qu'il ne faut pas dépasser, comme on dit. فمحبتهم مليئة بمكارم الأخلاق وحسن رعايتهن. Et donc, yani leur amour est rempli de bons comportements et d'une bonne gestion de leurs épouses. فهن في بيوتهن كالذهب أو الورق أو اللؤلؤ في مربع جوهرة. Et donc, ces femmes, elles sont dans leur maison comme l'or ou le diamant ou les perles dans le coffre à bijoux. وهذا بخلاف ما يزعمون أعداء الإسلام بدعوتهم حقوق المرأة وحريتها. Et ça, contrairement à ce que prétendent les ennemis de l'islam, quand ils prétendent appeler au droit de la femme et à sa liberté. وكما قيل عن الملك فيصل ابن سعود رحمه الله أنه قال إنما يريدون بدعوتهم هذه أن يصلوا إلى المرأة المسلمة العفيفة فينكشفوا عنها سترها. Et comme il a été rapporté du roi Faisal ibn Saoud, lorsqu'il dit au sujet de ces gens qui prétendent appeler au droit de la femme et à sa liberté, il dit, ils veulent, de par ce prêche, accéder à la femme musulmane, chaste, pour la dévoiler. فتعدد الزوجات صار أمرا غريبا عند الكثير مع أن الذي خلق الخلق أعلم بعباده وبمصالحهم وأحوالهم. Et la polygamie est devenue une affaire étrange chez la plupart des gens, alors que celui qui a créé la création est plus savant sur ses serviteurs et sur leurs intérêts ainsi que sur leur situation. فالتعدد يحصل به الخير من حفظ الأعراض وصيانة النساء تعيش المرأة مع زوجها عفيفة كريمة ويحصل بسببه البعد عن الشر والفساد. Et il résulte de la polygamie énormément de biens, comme la protection de l'honneur ainsi que la protection et l'entretien de la femme. La femme vit avec son mari tout en étant chaste et en ayant beaucoup de mérite. Et il résulte de par cela, c'est-à-dire de par la polygamie, l'éloignement de beaucoup de mal et de perversion. فَكَمْ مِنْ جَرَائِمْ ارْتُكِبَتْ وَمِنْ أَعْرَادٍ انْتُهِكَتْ وَأَحْزَانٍ وَمَصَائِبٍ وُجِدَتْ بِسَبَابِ الْبُعْدِ عَنِ التَّعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ. Donc combien de crimes ont été commis et combien d'honneurs ont été bafoués à cause de l'éloignement de la polygamie. وَقَدْ تَنَكَّرَ لَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَاللَّهُ يَقُولُ إِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. C'est-à-dire, et la plupart des gens ont refusé la polygamie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que d'inventer des mensonges.